Demain, quelque chose. On sera là. C'est une promesse. C'est une promesse en tant que telle. Merci à toute l'équipe et bienvenue à Julien Courbet. C'est un sacré rendez-vous. Ah bah ouais. Des rendez-vous très précis pour demain. On sera là. Un petit peu d'autosatisfaction. Remets-nous une tourtelle, vieux. Attends, on se croirait vraiment. Et des cahuètes. J'aime bien cette ambiance. C'est décontracté. Voilà. Nous, pas de chichi parce que vous allez sur les autres radios. Demain, le rendez-vous économique. Ah oui. Nous décrypterons. C'est demain. On sera là. Voilà. Allez, au revoir. Merci mon Yves, c'était très bien. Et bravo à la rédaction. Qui peut intervenir évidemment à n'importe quel moment concernant les événements de Strasbourg. Voici l'émission que vous nous avez lancée ce matin. Nous sommes en direct et nous allons démarrer par la mission lancée. Alors par Véronique, c'est un cas qui s'est déroulé hier, mais nous tenons absolument à revenir dessus car il va y avoir des rebondissements. Je vous appelle du Val d'Oise. Je suis passée par un plombier pour réparer une fuite d'eau au niveau de notre lave-vaisselle. Non seulement il nous a pris 2000 euros en jouant avec notre carte bancaire qu'il a utilisée plusieurs fois, mais en plus, il a imité notre signature pour justifier sa facture alors que nous avions signé un devis pour 495 euros. Dans quelques instants, le coût de l'analyse graphologique. Nous aurons ensuite Monique. Je vous appelle de l'Indre-et-Loire. Il y a plusieurs mois, j'ai fait condamner un artisan à me régler 3 982 euros. Depuis, il ne m'a versé que 712 euros, qui correspondent à l'intervention de l'huissier. Et puis nous attaquerons le cas de voyage assez extraordinaire de Arnaud. Je vous appelle des Yvelines, on a payé 2372 euros pour un séjour à Djerba. Sur place, on a vite demandé à être relogé. Les draps étaient tachés, la couette sentait l'urine, la chasse d'eau était cassée, la télé était HS. Au lieu de nous reloger, figurez-vous que l'on a été expulsé de l'hôtel. Et bien sûr, pour régler tous ces cas, l'équipe de Noël. La mère Noël est là, Blanche de Grandvilliers, avocate jockey. La deuxième mère Noël est là, maître Félonneau. Il y a bien sûr le farfadet Bernard Sabat qui est là. Bonjour. Et toutes les équipes d'Alain Hazard. Que l'esprit de Noël soit avec nous. Des dossiers sérieux, mais de la bonne humeur. Et essayer de se dire négocions entre hommes intelligents pour pouvoir avancer dans le dossier, par exemple, de Véronique. Qui est en ligne avec nous. Véronique, bonjour. Bonjour Julien, bonjour à toute l'équipe. Alors Véronique, c'est une histoire de fou que maître Félonneau va maintenant nous résumer parce qu'il y a une technique. Alors on met ça pour l'instant au conditionnel. Plus ça va, plus on a l'impression que le conditionnel va se transformer en réalité. Mais racontez quand même ce qui est arrivé à Véronique lorsque tout d'un coup, c'est la panique, il est 22h et elle constate une sévère fuite d'eau au niveau de son lave-vaisselle. Ah bah c'est toujours la même chose, hein. C'est pas 10h du matin en semaine que ça arrive, c'est le week-end, le soir, évidemment, en panique. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle des sociétés de dépannage qui la viennent effectivement et lui font signer un devis de 495 euros. Ça va très bien. Sauf que ensuite, quand le travail est fait, qu'il faut payer, on lui dit, écoutez, comme ça va être pris en charge par votre compagnie d'assurance, vous n'allez pas payer l'intervention, mais vous allez nous donner une caution, si jamais il y a un lézard avec votre contrat d'assurance. Et donc, elle donne ça comme une empreinte de carte bleue, vous savez, qu'on peut vous demander de temps en temps. Un peu la même chose. Soi-disant, ça ne serait pas débité. Et puis, en fait, soi-disant, sa carte ne marchait pas. Voilà. On lui demande la carte de son mari. Chaque fois, la carte passe dans la machine. Voilà, c'est qu'on lui dit, celle-là, elle passe pas, donnez-moi une autre. Ah, mince, celle-là, elle passe pas, donnez-moi une autre. Ah, celle-là, elle passe pas. Bon, en fait, elle passe toutes. Exactement. Et au bout du compte, pour un devis qu'elle avait signé, on le dit sous contrôle de Véronique, 495 euros. Elle se retrouve à 2000. Sauf qu'après, la société, il faut bien qu'elle justifie les 1600 qu'elle a pris en plus sans que Véronique soit au courant. Donc, il faut un devis. Et là, il y a un devis qui sort du chapeau. Eh oui. Et pour 2000 euros, figurez-vous, voilà, comme de par hasard, le montant débité sur les cartes bleues. Hier, voilà, nous avons appelé donc l'entreprise en question, en expliquant tout ça. Le monsieur nous a dit, non mais attendez, la dame, elle a signé tous les devis, monsieur. Et je lui dis, malheureusement, Véronique est en ligne avec nous, elle n'en a signé qu'un à 400, tout le reste, elle ne l'a pas signé. Et il y a effectivement un devis avec une signature. Et là, le monsieur, je crois que peut-être on a l'extrait, va nous dire en toute honnêteté, parce qu'il tient à ce que les choses soient transparentes, la chose suivante. Vous direz à votre service juridique, et malheureusement, c'est dommage que le gérant n'est pas là, mais vous direz à votre service juridique qu'il peut, s'il a un service de graphologie, on le paye, il n'y a aucun problème. Voilà, donc c'est clair, c'est net, c'est précis, et c'est super. Et moi, je dis bravo à cette société qui dit, ben voyez, puisqu'il y a un souci, nous, on pense qu'elle l'a signé, elle dit non, faisons appel à une graphologue. qu'à cela ne tienne. Je vais dans mes contacts, enfin je vais du tout dans le carnet d'Alain Hazard, qui lui a tous les contacts, c'est le rédacteur en chef, donc je vois bistrot de la Poste, bistrot de la rue Clébert, bistrot de la rue machin, comment faire un cocktail, enfin bref, et tout ça, et au bout d'un moment, je tombe sur Graphologue. Je dis, appelons-la, et peut-être sera-t-elle d'accord pour nous parler. Et c'est madame Evelyne Margan, graphologue réputée à Paris 16e, qui est en ligne avec nous. Vous êtes expert judiciaire, madame Margan, en écriture dans le 16e, donc, et vous avez comparé le devis de 495 euros avec la signature de Véronique, celui-là, elle a vraiment signé, avec les autres devis, celui de 2000 euros. Quel est votre verdict et merci à vous de nous aider dans ce dossier. Oui, bonjour à tous. J'ai effectivement comparé les signatures sur les devis et factures de 495 euros. Ces signatures sont bien évidemment de la main de Madame Véronique et elles vont être dites de référence et donc de comparaison. Les signatures apposées sur le devis et factures pour 2000 euros sont dites de question. Ces signatures de question ne sont pas de la main de Madame Masson pour les raisons suivantes. Nous avons des différences de gestuelle, c'est-à-dire de conduite du trait et du mouvement. Nous avons des différences de forme. Il y a une forme ovoïde qui recouvre les signatures dans ces signatures de questions que Madame Masson ne fait jamais. Et nous n'avons pas la même direction puisqu'elle est très ascendante pour Madame Masson et qu'elle est posée à l'horizontale en question. Pour toutes ces discordances, il ne peut s'agir du même scripteur. Les signatures de devis et factures de 2000 euros sont des imitations des signatures de Madame Masson. J'ai eu des rapports dans ma vie, madame, en différentes circonstances, mais jamais je n'en ai eu un aussi clair et précis. Merci beaucoup, madame Margan, c'est très clair, il n'y a rien à rajouter parce que vous avez été particulièrement clair là-dessus, donc il n'y a pas de doute pour vous. Je rappelle que vous êtes expert judiciaire en écriture dans le 16e à Paris et que si quelqu'un a besoin à un moment ou à un autre, et on en a souvent besoin dans des histoires de chèques d'un expert judiciaire, eh bien il peut compter sur vous parce que vous êtes une grande professionnelle. Merci, madame Margan. Merci monsieur, au revoir. Je vous souhaite une bonne journée madame Margan. Voilà, donc les choses sont claires, nettes et précises. J'ai pas senti qu'il y avait de l'ambiguïté et du doute. Donc dans quelques instants, nous allons appeler bien sûr la personne en question, comme vous le faites quand vous avez un problème. D'ailleurs, c'est l'entreprise Pruvot. Quand on a un problème, qu'est-ce qu'on dit? Non, on dit pas ça. On dit allô maman. Oh bah oui, on s'était pas mis d'accord, c'est le problème. Je vais vous dire des émissions qui sont préparées, celles qui ne le sont pas. Celles qui sont préparées, tout est fluide, tout arrive. Celles qui ne le sont pas, on fait ça un petit peu en direct. Donc j'avais préparé un truc que, évidemment, je vais me remettre derrière l'oreille. Car maintenant, revenir dessus, ça serait une terrible erreur. Donc nous allons appeler la société dans quelques instants. Mais JB, est-ce que vous avez réussi à le joindre dans l'après-midi? Alors oui, j'ai réussi à le joindre. J'ai eu le gérant d'entreprise, Julien Pruvot. J'ai pu récupérer son numéro de portable. Il a pas du tout refusé le dialogue. Il m'a dit qu'on pouvait même tenter de le joindre sur son numéro de portable aujourd'hui. Donc on va peut-être y aller. On va le faire dans une seconde. Laissez-nous marquer une petite pause et vous vous préparez, Bernard et Charlotte, à avoir donc, s'il vous plaît, ce monsieur, puisqu'il a été gentil et transparent. Vous voyez, on a été hyperactifs. Enfin, ça s'est passé hier matin et nous avons l'analyse graphologique aujourd'hui. Mais là, on est bien d'accord que c'est très très grave. On est dans le faux et usage de faux. Vous avez raison. À tout de suite sur RTL. Rétro-chic, métal doré ou forme graphique, grâce à Grand Optical, j'ai le choix entre tous les styles de lunettes pour me faire plaisir à Noël. C'est Noël chez Grand Optical. Pour l'achat d'une paire de lunettes, nous vous offrons une paire de solaires. Avec Grand Optical, offrez-vous le meilleur de la santé visuelle. Grand Optical, rien n'est trop grand pour moi. Et moi. Du 4 décembre au 8 janvier, voir conditions en magasin et sur grandoptical.com. Dispositif médical CE. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, c'est le Noël d'Élise qui change. Avec 50% en cagnotte sur une sélection de jouets comme la poupée, Baby Alive est malade. 50% Élise. Alors oui, avoir un enfant en plus à la maison, c'est fatigant. Mais l'avantage avec celui-là, c'est que quand il pleure, t'enlèves juste les piles. Jusqu'au 24 décembre, vos hypermarchés Auchan et Auchan.fr proposent Baby Alive est malade à 49,90€ plus 50% en cagnotte. Et votre Noël change. Auchan. Soit 24,95€ cagnotte déduite, montant crédité sur votre compte Wahoo, conditions sur Auchan.fr. Pour Noël, offrez un livre. Pharaon de Christian Jacques. L'incroyable histoire du pharaon que l'on surnommera plus tard le Napoléon égyptien. Un livre XO. Pour Noël, offrez un livre. Et si on était bienveillant, de Patrick Sébastien. Une invitation tendre et sincère à faire le premier pas vers l'autre. Un livre XO. Pour Noël, offrez un livre. Erectus de Xavier Muller. Des lecteurs unanimes. Un roman si crédible que cela en devient effrayant. Un tour de force. Un livre XO. La bonne idée cadeau, Avec Conforama, Noël est plus beau. Quand on veut offrir un cadeau qui fait plaisir toute l'année, on vous propose la cafetière Senseo Philips à seulement 49,99€ jusqu'au 24 décembre. Un beau cadeau pour tous vos petits déjeuners. Conforama, magasin ouvert dimanche, voir liste et conditions sur conforama.fr. Vous écoutez le 9h30 11h sur RTL. Sur RTL. Allez, c'est parti s'il vous plaît Charlotte. Je rappelle que nous sommes sur le cas de Véronique. Oui, Véronique a signé un devis de 495€ avec un plombier, mais la facture finale est de 2000€ et surprise, la signature est différente. C'est parti. Charlotte appelle donc maintenant monsieur. N'est pas disponible pour le moment. Merci de laisser un message après le bip. Oh. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Il est peut-être en rendez-vous, il a peut-être été une intervention parce que quelqu'un l'a appelé et lui a fait. Allô maman, Pruvot. J'ai une grosse suite qui vient du lavabo. Allô Julien, Pruvot. On aurait bien aimé lui parler de cette analyse graphologique, mais encore une fois, je ne pense pas qu'il l'ait raccroché volontairement. Il a une vie, ce monsieur professionnel. Alors ça, c'est quand on fait le numéro de standard ou le numéro de portable ? Le numéro de portable. Alors on fait le standard, s'il vous plaît. Pendant ce temps-là, Maître Fellonneau a quelque chose je à nous dire. Je tiens à rappeler, puisque nous sommes en niveau de délit. Suite à de nombreux appels, nous ne pouvons donner suite à votre demande dans l'immédiat. Ça va nous énerver. Vous pouvez nous envoyer un mail qui sera traité dans les rats. Il a peut-être réfléchi pendant la nuit. Essayez à Madagascar. Appelez au milieu de la forêt. Et peut-être que vous trouverez quelqu'un. Alors, monsieur Julien Pruvot, s'il vous plaît. Soyez gentil, rappelez-nous, parce que bon, on va revenir sur ce dossier chaque jour pour une raison très simple. Pas pour vous embêter, pour que vous puissiez nous donner votre version des faits. Il s'avérerait, et je mets ça au conditionnel, qu'un de vos employés ait fait quelque chose de très grave. Maître Blanche de Grandvilliers vous en dit plus quant à la gravité. Il s'agirait, Julien, d'un faux et d'un usage de faux. C'est 3 ans de prison, 45 000 euros d'amende. Et on peut agir à la fois contre la personne qui a fait le faux et contre la société qui fait usage de ce faux. Donc, contre la société. Je rappelle, monsieur Julien Pruvot, que votre employé a dit « je prends des cautions ». Et il a fait croire que les cartes bancaires ne passaient pas. Il en a pris plusieurs et a envoyé le deuxième devis où il y a la fausse signature le lendemain. Donc le jour où il vient, il fait le vrai devis, elle le signe, et comme par hasard, le deuxième devis arrive le lendemain, avec une autre signature, et nous avons fait une analyse graphologique. Ce n'est pas notre auditrice et votre cliente qui l'a signé. Donc là, c'est encore grave, ça peut encore s'arranger. Soyez sympa, appelez-nous qu'on trouve une solution, c'est tout ce que nous souhaitons. Malgré tout, JB, vous avez pu donc hier, vous vous doutiez que ce monsieur ne pourrait pas nous parler, qu'avez-vous à nous dire ? Alors pour faire court, quand je lui ai demandé qui avait signé le devis de 2000 euros, il me répond comme le collaborateur que nous avons hier, on peut le réécouter. Les duplicata des factures. C'est donc tout a été fait comme il fallait. C'est le client lui-même qui a signé. C'est pas un dépanneur ou nous-mêmes qui allons signer à leur place. Alors, à l'entendre comme ça, il semblait sûr de son fait. Pour autant, sa position, celle de M. Julien Pruvot, sur ce dossier n'est pas inflexible. Si un expert lui prouve le contraire, comme on a vu là. S'il s'avère que la signature, elle n'a pas été faite par le client, non seulement la personne elle est remboursée des 2000 euros, et en plus, je lui donne même un bon d'intervention pour l'électricité gratuite. Alors, quand vous avez fait cet enregistrement, je tiens à le préciser parce qu'on l'entend derrière, Maître Fellonneau se faisait détartrer les dents. À seulement quelques mètres, parce qu'elle a une hygiène dentaire qui est impeccable et elle se les détartre n'importe où. Ça peut être dans un enterrement, un mariage, n'importe quoi. Et donc, pour continuer, JB ? Pour continuer, tout ça pour dire que notre ami est prêt à rembourser l'argent, il est même prêt à faire des prestations gratuites si on lui prouve le contraire. Et là, je pense qu'on lui a prouvé. Monsieur Julien Pruvot, je pense qu'il vaut mieux discuter avec nous, parce que là, ce qui va se passer, c'est que Véronique va aller déposer plainte et c'est gravissime. Oui. Et puis là, il y a des millions de gens qui sont en train d'écouter qu'un de vos employés fait des faux pour essayer de soutirer de l'argent, vous ne pouvez pas laisser passer ça, donc il faut que vous veniez sur cette antenne nous expliquer ce qui se passe. Donc merci Monsieur Pruvot, nous lançons donc un Pruvoton pour qu'il nous parle, parce qu'on veut qu'il nous dise sa version des faits. C'est une obligation dans l'émission, on ne peut pas s'arrêter sans que ce monsieur ait pu nous parler. Donc on essaie non-stop, et puis on y reviendra demain, et puis la semaine prochaine, vous restez en ligne, ma chère Véronique, ou pas très loin en tout cas du téléphone. Nous attendons des nouvelles de Julien Pruvot, d'accord ? D'accord. Un verre de terre de Julien Pruvot. C'était un verre de terre de chez Moulineau à l'époque. Dans le Schmilblick. Oui, dans le Schmilblick, effectivement. Ah, des références modernes, c'est bien jeune, tout ça. Nous allons passer au deuxième cas dans une seconde. C'est Monique, elle est en litige avec un artisan depuis 4 ans. Il a été condamné à lui verser plus de 3 900€. Impossible de récupérer l'argent. Écoutez, voici ce groupe qui maintenant a réexplosé. Il était très connu, mais c'est le film, je crois, Intouchable, qui l'a remis. Il y a des tas de gens qui ont découvert Earth, Wind & Fire. Groupe mythique, si vous pouvez télécharger. Allez écouter l'œuvre de ce groupe fantastique. Il n'y a rien de mieux pour danser. Earth, Wind & Fire sur RTL.

Oh, ben je sais pas, j'ai même pas regardé le thermomètre, un calé dehors. C'est marrant. Déjà froid. Moi, dans ma famille, ce matin, on part jamais à la même heure, vous savez. Donc, moi, j'étais là le plus tôt, mais je les vois partir les uns après les autres. D'abord, ma fille a ouvert la porte, elle a fait oh putain, elle est re-rentrée, elle s'est mis à crier. Puis après, est arrivé mon fils, il a ouvert la porte, oh putain, il est re-rentré, il a remis un pull tous comme ça, quoi. Et voilà, Monique, c'était intéressant comme anecdote, vie, oui. C'était passionnant et c'est ce qui fait que cette émission est vraiment au-dessus des autres. Monique, allez-y, racontez-nous votre mésaventure, on vous écoute. Ben voilà, en 2014, j'ai fait faire un devis pour avoir une terrasse. Et en fin de compte, la terrasse a été faite début 2015. En fait, j'ai vu que les cailloux commençaient à s'enlever de la terrasse, parce qu'en fait, c'était une terrasse en résine. Et en fait, tous les cailloux se sont décollés petit à petit. Donc j'ai appelé l'artisan et il a dit qu'il voulait reprendre le travail, donc il s'engageait à le faire. J'ai encore des mails où il disait qu'il voulait s'engager à refaire les travaux. Par contre, après des coups de fil à répétition, il n'y a rien qui se faisait. On a saisi une juridiction de proximité et en fait, il a été condamné. Voilà, condamné. Alors, et il a fallu faire appel à un huissier. Bien sûr. Mais ça, à la rigueur, il a des droits aussi. C'est celui de ne rien faire, mais vous en avez, c'est celui d'appeler. Alors, on rappelle quand même voilà. Très rapidement, règle d'or, comment se passe un jugement, parce que beaucoup l'ignorent et ça, c'est important. La règle d'or sur RTL. Donc, je décide de faire un procès Blanche de Grandvilliers. Le procès a lieu, je le gagne. Oui. Premier réflexe, si on ne le fait pas, on peut se retrouver dans la mouise, c'est de signifier le jugement. Comment fait-on ? Eh bien, dans ces cas-là, il faut faire appel à un huissier. On a d'autant plus intérêt à le faire quand il s'agit du tribunal d'instance ou du juge de proximité, qui aujourd'hui n'existe plus, que si la décision n'est pas signifiée dans les 6 mois et que la personne n'était pas présente, ce qui était le cas de cette société, eh bien, le jugement est caduque. Vous avez entendu ? Il faut absolument le signifier. Donc, une fois que vous avez votre jugement, si vous n'envoyez pas, et c'est à vos frais, il faut dire les choses comme elles sont, l'huissier amener le jugement à la personne adverse au bout de 6 mois, si elle n'est pas venue, le jugement donc ne sert plus à rien. Mais par contre, si elle est là, on est obligé quand même de le faire ? Si elle est là, il faut quand même le signifier pour le rendre définitif et pour permettre l'exécution, mais le jugement restera valable. D'accord. Vous avez encore du temps pour le faire. Deuxièmement, une fois que la personne a eu son jugement et qu'elle ne paie pas, s'il est question d'argent, là j'ai le droit d'aller voir un huissier avec mon jugement et là l'huissier fera des saisies et il procédera à ce qu'on appelle à l'exécution forcée contre la personne, c'est-à-dire qu'il saisira tous ses biens pour permettre le paiement de la somme prévue par la décision. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. Donc il vous doit par décision de justice que vous pouvez donc nous détailler. Le juge a été très clair, je suppose, Blanche de Grandvilliers. Oui, il y a 3 982 € qui correspond aux malfaçons. Et puis, il y a les intérêts qui courent sur cette somme et un peu d'article 700. Est-ce qu'il continue d'exercer ce monsieur, Monique ? Eh oui. Oui, tout à fait. Justement, Céline me fait des grands gestes. Alors, chacun les interprète comme... pour moi, c'est viens avec moi dans la petite pièce à côté. Mais apparemment, il semblerait que ça ne voudrait pas dire ça, que ça voudrait dire j'ai quelque chose à dire sur ce dossier. Exactement. J'ai passé un petit coup de fil à l'artisan pour savoir effectivement si on pouvait encore prendre rendez-vous avec lui. Je suis à la recherche d'un artisan, j'aimerais faire plusieurs devis. Est-ce qu'avec vous, ce serait possible éventuellement ? Oui, bien sûr, ouais. Je voulais savoir comment ça se passe chez vous, si on prend rendez-vous, si on j'explique par téléphone, comment ça se passe ? Il faut que je me déplace. Donc du coup, la conversation a été coupée malheureusement après suite à un petit souci technique. En tout cas, on a le principal de la conversation. Si on veut, on peut faire appel à notre artisan dès demain. Il était quelle heure quand vous avez fait cette interview ? À peu près ? Il devait être 14 ou 15 heures. Et vous, quand vous avez appelé tout à l'heure, il était quelle heure, JB, pour l'autre personne ? Oh, 18h. Pourquoi à 14h, vous ne vous brossez pas les dents comme vous l'avez fait aussi ? Mais je ne peux pas me faire détartrer toute la journée, tous les 6 mois. Je ne vois pas pourquoi vous vous détartriez. Vous lui avez pourri son interview à ce pauvre JB. Faites la même chose avec Céline. Oui, mais c'était le jour où je me faisais détartrer. Donc. Monique, nous allons l'appeler dans quelques instants, si vous le voulez bien. Faisons un point info sur les missions qui nous attendent de 9h. Là, ça ne sert à rien de l'appeler, les infos arrivent. Donc, on va couper la conversation et on n'aura rien. Donc, on va tout faire à partir de 10h, voici le point info. Le point sur tous les cas, c'est la minute info. Le premier cas est vraiment un cas d'école avec cette histoire de dépannage. Véronique appelle un plombier, elle paye 2 000 € alors que le devis initial était de 495 €. Alors ce monsieur a fait passer des cartes bancaires en lui disant vous inquiétez pas, c'est des cautions. Aux mains ça passe pas, aux mains ça passe pas, aux mains ça passe pas. En fait ça passe les 3 fois. 2 000 € et comme il veut se couvrir, il envoie derrière un devis disant mais vous avez signé pour les 2 000 €. Nous avons fait appel à une experte en écriture qui est différente d'une graphologue. En fait, la graphologue, je crois que c'est plutôt la personnalité. expert en écriture, voit si c'est vous qui avez signé ou pas. Et elle nous dit, ce n'est pas lui. Donc on cherche à le joindre parce que c'est lui qui nous avait conseillé de prendre une graphologue. Pour l'instant, impossible d'avoir Monsieur Pruvot. Non, impossible, Julien. Malheureusement, il ne répond pas. Alors nous continuons et nous continuerons tous les jours jusqu'au à peu près 7 juillet. C'est, je crois, la date de la coupure. Nous avons un deuxième cas qui vient d'être lancé. Monique, son artisan a été condamné en 2017 à lui payer 3 982 euros et depuis, il ne paye pas. Et là, nous allons appeler dans une seconde. Il faut vraiment que ce monsieur qui a été condamné et qui a eu d'ailleurs le tort de ne pas venir, c'est toujours bête de ne pas vous rendre à une convocation du juge. En tout cas, il a perdu, il doit maintenant l'argent. Nous allons appeler dans une seconde pour lui donner la parole à Alphin qui nous donne sa version des faits. Merci d'avoir choisi RTL. Le 9h30, 11h est avec vous ce matin, comme tous les matins. Votre Intermarché de Noël vous propose d'écouter le prix du jour. Saint-Jacques a dit, faites le kilo de coquilles à prix coûtant. Saint-Jacques a dit, courez les chercher. Dès aujourd'hui, les coquilles Saint-Jacques pêchées en Atlantique Nord-Est sont à prix coûtant. C'est ça, un prix producteur et commerçant. Et c'est seulement jusqu'à demain dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Coquilles Saint-Jacques Pecten Maximus pêchées en Atlantique Nord-Est dans les magasins équipés d'un rayon marée traditionnel. 1927, le banquier Marcel Péricourt meurt. Il laisse sa fille Madeleine seule à la tête d'un immense empire financier, à une époque où les femmes n'ont même pas le droit de signer des chèques. Elle devient la proie idéale des convoitises. Mais c'est Paul, son fils, qui le jour des obsèques va d'un geste tragique sceller le destin de Madeleine, lui laissant un seul choix, se soumettre ou survivre. Couleur de l'incendie, après Au revoir là-haut, le nouveau grand roman de Pierre Lemaitre, un événement Albin Michel. Intersport. Avant, c'était impossible pour Marc de savoir quoi offrir à son neveu. Moi, j'arrive plus à suivre, là, tout l'intéresse. Mais depuis qu'il a découvert la carte cadeau Intersport, eh ben, il va pouvoir s'essayer à tout. Célébrons Noël chez Intersport et offrez du sport à la carte. La carte cadeau Intersport, c'est 100% de facilité et 100% de plaisir assuré. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Conditions sur intersport.fr. Chers voyageurs, notre route continue direction la forêt des sapins de Noël. Regardez, ce ne sont pas moins de 50 gigas de data qui sont tombés cette nuit. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est que vous allez pouvoir tous en profiter. À Noël chez SFR, on remplit sa hotte de gigas. Jusqu'au 7 janvier, le forfait Power 50 gigas 4G+, est à prix cadeau. 10 euros par mois pendant un an, puis 25 euros. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à condition, réservée aux nouvelles souscriptions. Prix client box engagement 12 mois, 4G+, sous réserve de couverture avec terminal compatible. Pendant ce temps chez Renault, la French Touch Renault fait son palmarès. Meilleurs effets spéciaux, Mégane avec l'affichage tête haute et toutes les infos réunies dans le champ de vision. Meilleur scénario, Mégane avec Multisense. En mode sport ou en mode confort, elle joue toujours juste. Et prix du meilleur prix, Mégane, bravo. Renault reprend votre voiture 4000 euros en plus de sa valeur pour l'achat d'une Mégane. French Touch touche française. Offre valable jusqu'au 31 décembre sur toute la gamme Mégane. Voir Renault.fr. Merci d'avoir choisi RTL. Deux cas ont été lancés et deux sacrés cas, si vous me permettez cette expression. Il y aura des retours juste après les infos d'RTL. Il est 10h. RTL numéro 1 sur l'info avec vous, Bénédicte Tassard, bonjour. Bonjour et bonjour à tous. 600 membres des forces de sécurité pour cette chasse à l'homme à Strasbourg pour retrouver le tireur du marché de Noël, celui qui a tué 3 personnes, fait 8 blessés graves et 5 blessés légers. La traque continue, Julien Fautra. Oui, en effet, Bénédicte, hein, la traque continue depuis hier 20h quand l'assaillant a tiré en plein cœur du marché de Noël. Ici, 600 hommes mobilisés, policiers, gendarmes, le RAID et la BRI en soutien. Beaucoup sont arrivés dans la nuit. L'homme est pour le moment invisible, mais identifié, 29 ans, français, fiché pour radicalisation, dans le viseur du renseignement depuis 3 ans, condamné pour braquage en France et en Allemagne. Il est né et a grandi ici, à Strasbourg. En Allemagne, la frontière est bloquée. Strasbourg vit désormais au rythme de cette traque. L'activité en ville est plus faible que d'habitude. Les familles ne mettent pas leurs enfants à l'école. La ville est suspendue à l'arrestation de l'assaillant. Julien Fautra à Strasbourg pour RTL. Précision ce matin du secrétaire d'État à l'intérieur. La motivation terroriste n'est pas encore établie. Laurent Nunez parle d'un individu connu en droit commun pour beaucoup de délits autres que liés au terrorisme. Il précise que ce jeune homme était suivi par les services de renseignement après la détection d'une radicalisation radicalisation dans sa pratique religieuse, mais qu'il n'avait jamais donné de signe de passage à l'acte. En attendant, la France a été placée en urgence attentat. Les marchés de Noël sont particulièrement surveillés et les contrôles d'identité multipliés. Les gilets jaunes et ce barrage tenu ce matin par une centaine de personnes devant le pôle logistique d'Airbus à Corne-Barieux, nous signale le correspondant RTL à Toulouse, Patrick Tégéraud. À l'Assemblée nationale, la motion de censure de gauche déposée contre le gouvernement sera débattue demain après-midi et soumise au vote des députés. Aucun risque pour l'exécutif. Le contingent de gauche est réduit à 62 élus. La Bourse de Paris ce matin, le CAC 40 a ouvert à la hausse à plus 0,81%. Les courses, c'est à Vincennes, 16 partants cet après-midi pour le tiers écarté Quintet Plus. Et voici les pronostics de Bernard Glass. Le 8, le 6, le 4, le 14, le 12, le 9, le 5 et le 15. La dernière minute, c'est le 12, Blouma d'Eripré. Le temps pour cet après-midi, de la pluie faible, toujours entre la Bretagne, le Limousin, le Massif central et le pourtour du Golfe du Lion. Des flocons également à 1000 mètres sur le Massif central, 1400 mètres sur les Pyrénées et des nuages sur le sud-ouest. Plus à l'est, une journée calme et grise. Des pluies ce soir sur les Alpes, de la neige au-dessus de 700 mètres, un temps doux mais pluvieux sur la Corse et la Côte d'Azur et les températures. C'est froid sur le nord et l'est du pays, 1 à 5 degrés, 4 à 10 degrés sur le nord-ouest, 7 à 14 degrés sur le sud-ouest et la Méditerranée. Fabriqués en France, les oreillers et couettes Cola Normand vous apportent une récupération optimale. Oreillers et couettes Cola Normand, chaque matin, partez gagnant. 10h03 sur RTL, bonne journée à tous, vous retrouvez Julien Courbet. Est-ce que vous ressentez ces petits signaux subliminaux que je vous envoie quand je fais mettre de la pub pour les oreillers et les couettes Cola Normand? Vous comprenez le message, vous savez que je me donne beaucoup de mal pour ça. On va parler hors micro. Hein, bon, allez, à très bientôt. Allez, au bord d'un oreiller, une couette Cola Normand. Bénédicte Tassard était avec nous, on la retrouve à 11h. Toutes les équipes sont là. Dans un esprit de Noël, nous essayons de régler vos problèmes pour que vous passiez de bonnes fêtes. Merci d'être avec nous. Le 9h30, 11h, repart. It's the most wonderful time of the year. Et malgré tout ce qui se passe et ces terribles nouvelles qui arrivent les unes après les autres, essayons de garder le sourire, d'être positif et de trouver des solutions à vos problèmes. On le sait, pour Véronique et son plombier, on a répété ça tout à l'heure. Nous attendons toujours des nouvelles de Monsieur Pruvot-Julien et il se pourrait, je le dis sous contrôle d'Alain Hazard, rédacteur en chef, que des appels arrivent au standard, non pas malheureusement de Monsieur Pruvot, mais d'autres personnes qui auraient pu être victimes du même système mis en place par l'employé, puisque c'est pas Monsieur Pruvot lui-même qui fait ça, c'est un employé qui viendrait, qui ferait le coup de la carte passe-pas, ce n'est qu'une caution, et puis qui envoie le lendemain une signature de devis qu'il a lui-même signée. Oui, enfin, cela dit, tout a été encaissé, si je ne m'abuse, par la société. Ah ouais. Donc, si l'employeur n'y met pas bonne fin aujourd'hui... Oui, mais s'il ne le sait pas, peut-être que Julien Pruvot, il se dit simplement, mais bravo, il y a eu un beau devis à 2000 euros, il demande des... Mais parce que l'autre doit être commissionné aussi sur ce qu'il rapporte. Oui, mais alors... là, il est au courant, donc là, s'il ne rembourse pas, à ce moment-là, la plainte sera également déposée contre la société. Je précise que tout ce que nous disons là est certes au conditionnel, mais qu'une experte en écriture nous a dit, ce n'est pas la signature de votre auditrice sur les autres devis qui permettent de passer de 400 à 2000 euros. JB. Oui, Julien, juste pour préciser que les employés apparemment ne sont pas commissionnés, c'est ce que Julien Pruvot m'a dit hier. Bon, bah alors, d'accord, je ne sais pas. En tout cas, qui nous rappelle pour nous donner sa version des faits, Julien Pruvot. Monique, elle a un problème, Monique. Monique a fait appel à un artisan, finalement ça s'est mal passé, elle a gagné en justice contre lui, il doit lui payer 3982 euros. Et que maintenant tout le monde se retrousse les manches, car dans quelques instants, il va falloir aller chercher cet artisan pour qu'il nous explique pourquoi il ne paie pas ce qu'il doit à Monique, lui qui a été condamné. Il ne s'est pas rendu sur place, mais il a quand même été condamné. Nous lançons les appels dans quelques instants. Le 9h30, 11h RTL ne lâche rien. Et d'ores et déjà, bonne fête à tous! Le Noël inoubliable de Bouygues Télécom. Valentine de Valence rêve de s'offrir un smartphone dernier cri pour Noël. Seulement voilà, vu que le 25, Valentine rêve aussi d'abreuver de cadeaux sa famille, elle se dit que cela va devoir attendre. Eh bien Valentine, non, ne vous privez pas. Pour Noël, chez Bouygues Télécom, le Samsung Galaxy S9 64Go est à 1€ plus 8€ par mois pendant 24 mois grâce au forfait Sensation avec avantage smartphone 70Go. Appelez gratuitement le 3106. Offre soumise à condition, engagement 24 mois, 193€ avec la reprise de votre mobile. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, c'est le Noël d'Élise qui change. Avec 50% en cagnotte sur une sélection de jouets comme la poupée, Baby Alive est malade. 50% Élise. Alors oui, avoir un enfant en plus à la maison, c'est fatigant. Mais l'avantage avec celui-là, c'est que quand il pleure, t'enlèves juste les piles. Jusqu'au 24 décembre, vos hypermarchés Auchan et Auchan.fr proposent Baby Alive est malade à 49,90€ plus 50% en cagnotte. Et votre Noël change. Auchan. Soit 24,95€ cagnotte déduite, montant crédité sur votre compte Wahoo, conditions sur Auchan.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Et je vous le disais il y a quelques instants, avant de revenir sur le cas de Mireille, nous revenons donc sur le premier cas, ce fameux cas de dépannage. Véronique signe un devis de 495€ avec un plombier, mais elle est débitée de 2000€. Bon, alors, nous avons Mireille qui est en ligne. Bonjour Mireille. Bonjour Julien. Mireille, vous habitez dans les Yvelines. Oui, tout à fait. Bien, alors Mireille, encore une fois, nous sommes en direct. Je ne sais pas ce que vous allez nous dire, donc faites très attention, puisqu'on est en direct. Je n'ai pas pu vérifier vos propos. Je vous demande donc de dire la vérité, uniquement la vérité. Que s'est-il passé vous-même avec cette entreprise Prévost ? Est-ce vraiment la même ? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Donc, si vous voulez, le 14 novembre, donc, nous avons eu un gros problème au niveau de l'électricité suite à des travaux dans notre allée. Donc, il y avait une partie de la maison qui ne fonctionnait plus au niveau électricité et l'autre partie qui fonctionnait. Donc, on avait tout de suite contacté l'EDF qui nous a dit « contactez un électricien ». Bon, donc c'est ce qu'on a fait, et soi-disant cet électricien était juste à côté, donc à la poste, à côté de la poste à Mantes-la-Jolie. Donc on a appelé un numéro 09, etc. Et puis de là, il nous a dit, il n'y a pas de problème, j'arrive tout de suite. Donc il est arrivé, et en fin de compte, donc il a fait des travaux, mais alors, c'était... voilà, non, mais ça c'est autre chose, il fallait au direct. Oh, écoutez Mireille, comment s'appelle votre mari ? Jacques, laisse Mireille raconter, Jacques, on ne comprend plus rien. Mais il a le sens du détail, Jacques. Mireille, expliquez-moi juste, alors il est venu faire des travaux, le paiement, voilà. C'est ça qui m'intéresse. Comment ça s'est passé le paiement ? Au moment de régler, donc il m'a passé donc son lecteur de carte. Alors est-ce qu'il vous a dit, Mireille, je vous coupe, est-ce qu'il vous a dit c'est une caution, vous serez remboursé par l'assurance ? Alors non. Il m'a pas dit que c'était une caution, il m'a dit la totalité des travaux, donc 1370. Et à la suite donc de ça, je passe forcément, je fais mon code. Ça va de soi, je vais pas demander à la personne en face de moi est-ce que vous voulez frauder ou pas. D'accord. Donc je fais mon code et il me redonne ma carte, il me la balance sur la table en me disant elle est rejetée votre carte. Donc voilà. Vous payez en liquide. Ah j'ai dit non, on a refusé. Et donc à ce moment-là, on lui a fait la moitié en chèque, la moitié donc en espèces. Et après, la carte a été débitée. Et la carte a été débitée. Ah, on s'en est aperçu quand on est revenu de vacances. Eh bien voilà, donc ça fait maintenant un deuxième témoignage. Je n'ai qu'une chose à dire. Je c'est encore Prévost qui a doublé le prix du lavabo. Et oui, même Daniel Balavoine avait été victime. Bon, règle d'or. Alors du coup donc quand on a vu ça, on est quand même allé directement porter plainte à la gendarmerie qui nous a fait donc un récépissé de dépôt de plainte. Et donc ça, on l'a fait le 29 novembre. Bon, alors Mireille, merci en tout cas, parce que merci. Ça confirme bien qu'on n'invente pas les choses, on enquête, on a plusieurs témoignages. Mireille, je vais vous tenir au courant si nous avons Monsieur Prévost pour l'instant. Et je voulais vous signaler aussi que j'ai envoyé directement un courrier avec accusé de réception à Monsieur Julien Prévost. Oui. Donc il l'a bien réceptionné, puisque j'ai reçu donc l'avis de réception. Très bien, mais ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Je garde votre fiche, Mireille, si jamais Monsieur Prévost... Il faut vraiment que Monsieur Prévost nous parle maintenant, parce qu'il a un employé qui utilise vraiment une technique. Oui, parce qu'en plus, ils étaient deux. Hein. Oui, ah bon, alors deux employés. Donc quand justement, c'est une question de droit, ça se répète, est-ce que là, ça aggrave les choses ou pas ? Alors effectivement, on pourrait légitimement soupçonner qu'il ne s'agit plus d'une erreur totalement incongrue, c'est peut-être une stratégie. Et j'ai une règle d'or à ce propos. Alors, règle d'or, Bernard, vous avez quelque chose à nous dire, la règle d'or arrive. Juste, vous confirmez que le portable donc, est complètement coupé, que l'entreprise ne répond plus et dit laissez un message, on vous répondra par mail. Bah, elle a peut-être même fermé hein, l'entreprise. Bon. En tout cas, nous, on demande. C'est une domiciliation, Julien, c'est important de le signaler. À Julien Prévost de continuer à nous appeler, la règle d'or. La règle d'or sur RTL. Maître Fellonneau. Quand vous payez par carte bancaire et qu'on vous dit que le paiement n'est pas passé, vous devez avoir une preuve. C'est un petit ticket qui sort avec abandon de débit. Tant que vous n'avez pas ce petit document, vous ne ne faites pas un deuxième règlement. Parfait, elle est, ah elle est géniale. Non, elle est géniale, cette règle, attends. J'y avais pas pensé. Non, mais c'est vrai. Et alors, pour les entreprises... Normalement, il y a achat abandonné. Donc, si voilà. vous n'avez pas le ticket achat abandonné, vous lui dites, tant que je n'aurai pas ça, monsieur, mais alors, il est capable d'en sortir un de sa poche. Enfin bon, peu importe. Mais en tout cas, bravo. Bon, et puis pour l'entreprise, très amicalement, je lui conseillerais de changer de terminal de débit, ouais, parce que là, il n'a pas l'air de marcher très bien. Il s'est trompé. Il a une espèce d'oignon qu'on a dû lui refiler. Ah ouais. Si je trouve celui qui lui a refilé ce terminal, il va passer à l'appareil. Bon, merci Mireille, vous restez près du téléphone, vous embrassez votre mari. Passez-le moi une seconde quand même, parce que le pauvre, là, vous lui avez coupé la chic, il avait quelque chose à dire. Passez-moi votre mari, Mireille. Non, il va s'énerver. Mais non, passez-le moi, il va pas s'énerver, ne vous inquiétez pas. Passez-le moi. On a été obligé de faire revenir un autre... Oui, j'ai compris, hein, ça, Mireille. Mais je voulais parler à votre mari, s'il vous plaît, Mireille. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Bonjour, Julien. Bonjour. Bon, j'ai l'impression que vous en avez gros sur la patate. Ah oui, parce que j'ai horreur de me faire rouler dans la farine. Ben oui. Ma femme vous a expliqué, c'était suite à des travaux de... Ah non, l'histoire, je la connais, ne vous inquiétez pas, elle nous l'a bien racontée. Je voulais juste vous dire que si on a ce monsieur Pruvot, on lui parlera de vous. Mais ma femme vous a dit quand même, quand on est allé à la gendarmerie, nous on n'arrivait pas à joindre, le maréchal des logis-chefs, lui a reçu un mail... Ah, de Monsieur Pruvot. Un coup de téléphone de la personne. D'accord. Et qu'est-ce qu'il disait? Bah alors, le gendarme nous a fait signe comme quoi il jouait du pipeau. Ah, ah, il l'a mimé. Ah. Il l'a mimé. Et alors, il a son nom. Mais a priori, c'est pas Julien. C'est pas un vrai nom. C'est pas Julien Pruvot. Ah bon. C'est quoi le nom? Ah bah. J'ose pas le dire parce que... Bah, vous allez nous le dire hors antenne, d'accord? Voilà, oui, oui. Mais alors, il vous a dit qu'en fait, ce fameux nom Julien Pruvot est un faux nom. Ça peut être une ancienne commission. Non, a priori, c'est un vrai nom, mais ça a l'air d'être une mafia là-dedans. Ah oui, non, mais ça, d'accord, mais c'est un vrai nom, ok. Oui, mais ça, on sait que c'est des sociétés qui se montent, qui ferment, ils en montent 40, c'est le même standard, etc. Bon. Parce qu'ils ont électriciens, ils ont des... Ah, tout. Parce que, en plus, ils m'ont coupé mes câbles d'alimentation de chauffe-eau, ils m'ont coupé mon jour et nuit. Oui, parce qu'après, ils vous disent qu'il faut le réparer. Bien sûr. Voilà. Bon. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, et nous vous tenons au courant, nous allons essayer d'avoir ce monsieur Julien Pruvot, peut-être qu'il faudrait arriver à se rapprocher un peu de la police, alors évidemment ils font leurs enquêtes, ils vont peut-être pas vouloir nous donner des infos, mais on sait jamais, peut-être pourra-t-on avancer. Bon, dis donc, quel dossier? Alors, Julien Pruvot, il existe, puisqu'il est le président de Pruvot France Service, mais rien n'empêche une société d'avoir une plateforme et de faire travailler justement des gens qui sont près de chez vous, tout un service de dépannage pour avoir un service à proximité. Allez, on ça, va on peut pas la reprocher. On va revenir là-dessus, puis on appelle pour l'artisan. Il ne faut pas qu'elle s'inquiète, Mireille, pour le deuxième cas, ça va se passer sur RTL. Et n'hésitez pas à nous appeler au 3210, bien sûr, quand vous avez des infos, pour nous aider à régler les problèmes. Quelques lueurs d'aéroport, étrange fille aux cheveux d'or, dans ma mémoire traîne encore. L'hiver à San Francisco, mais il ne tombe jamais d'eau aux confins du Colorado. Et le Golden Gate s'endort sur Alcatraz où traîne encore les sanglots couleur de prison. Monsieur Caryl Chessman est mort, mais le doute subsiste encore. Avait-il raison ou bien tort? So far away from LA, so far ago from Frisco, I'm no one but a shadow, but a shadow. Beverly Hills, et les collines se souviennent des fastes de la dynastie qui de Garbo jusqu'à Bogie faisait résonner ses folies. So far away.

Grand Optical, rien n'est trop grand pour moi. Et moi, et moi, et moi. Du 4 décembre au 8 janvier, voir conditions en magasin et sur grandoptical.com. Dispositif médical CE. Votre Intermarché de Noël vous propose d'écouter l'offre du jour. Alors, ils annoncent quoi pour cet hiver? Bah, comme d'hab, un foie de canard. Jusqu'au 26 décembre, dans votre Intermarché, le foie gras de canard cuit au torchon La Berry Origine France est à moins 40%, soit 20,99€ le bloc. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Bloc de 240 grammes, soit 87,46€ le kilo. Modalité magasin participant sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Allez, c'est reparti et cette fois-ci, nous allons appeler cet artisan. Rappelez-nous quand même le cas, s'il vous plaît, Céline, sur RTL. 3 982€, c'est ce que doit lui payer un artisan depuis bientôt 2 ans et malgré une décision de justice, impossible de récupérer l'argent. Donc c'est clair, c'est net, c'est précis, ça ne se discute pas. Condamnation, il faut maintenant que cette personne s'exécute. Vous nous direz... Allô ? Non, c'est Monique. Vous nous direz dans quelques instants, Maître Blanche Grandvilliers, qu'il y a eu un début de paiement. Mais attendez, j'attends de voir si ça répond. Nous sommes du côté du 86. Oh, malheureusement. Alors nous avons 2 numéros, je crois. Tout à fait. Alors, on attend un petit peu pour faire le deuxième. Allez, lancez le deuxième. Apparemment, le premier ne répondra pas. C'est parti, le deuxième. Alors, vous me faites un signe si ça répond. Gardez le combiné, s'il vous plaît. Oui, il a commencé à payer, ce monsieur, quand même, il faut le dire. Oui, il faut rappeler, Julien, que dans cette condamnation, le juge a prononcé la condamnation de la société à ce qu'on appelle les dépenses, c'est-à-dire, justement, ses frais d'huissier. Donc, l'huissier, comme vous avez rappelé, la signification de la décision et l'exécution est à la charge du débiteur, mais il faut avancer les frais. Il faut bien le payer, l'huissier, avant qu'il puisse récupérer des sous. Il a réussi à récupérer un peu d'argent grâce aux diverses saisies qu'il a faites, environ 800 euros. Mais malheureusement, ces 800 euros ont seulement servi à rembourser l'huissier des frais qu'il avançait. Et aujourd'hui, l'huissier dit, écoutez, je peux continuer des saisies, mais je ne suis pas sûr que je vais récupérer suffisamment d'argent. Donc, je préfère vous rendre le dossier parce que j'ai peur que mes frais excèdent les montants que je vais récupérer. Alors, ça ne répond pas au deuxième numéro ? Non, pas du tout. Pour l'instant, on nous dit qu'une opératrice va prendre l'appel, puis que les lignes sont toutes occupées. Avant de sortir le porte-voix, ne vous inquiétez pas, hein, Monique, c'est ma monnaie courante, c'est notre quotidien. Bernard va essayer quand même d'avoir ce monsieur différemment, et après, nous sortirons, s'il le faut, le porte-voix pour lui demander de nous rappeler, afin, je le redis, et je le redirai jusqu'à ma mort, qu'il nous donne sa version des faits. C'est pour ça qu'il faut parler, dire, attendez, je viens de vous écouter, vous avez dit n'importe quoi, et je vous le prouve. Mais pour ça, il faut nous répondre. Bon, donc nous avons pour l'instant 2 personnes en attente, toujours Julien Prouvé, avec des choses très graves, puisqu'il y aurait du faux en écriture. Je mets ça au conditionnel, mais une experte en écriture nous a dit, attention, ça ne correspond pas du tout à la signature du devis de votre auditrice. Et puis, spontanément, une dame nous a appelé, il nous a fait le même coup de la carte qui ne passe pas. Monsieur Pruvot, soyez sympa, rappelez-nous, Julien Pruvot. Nous allons donc passer dans une seconde à la cause ou tout de suite animale. Vous le savez, une fois par semaine, Blanche Grandvilliers, qui est très investie là-dedans, comme nous tous, nous tient au courant des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles. Dans le 9h30-11h, on défend la cause animale. Nous alors, nous tenons informés des avancées. Une bonne et une mauvaise nouvelle, commençons par la mauvaise. Eh bien, l'Assemblée nationale, Julien, a rejeté... Attendez, Richard. Bougez pas, on y revient, vous inquiétez pas. Ne coupe pas, Richard. Ah, écoutez, je ne sais pas pourquoi, enfin, on parlera de ça tout à l'heure avec cet accent, Bernard, c'est une catastrophe. Allô, bonjour. Bonjour. Allô. Oui, bonjour. Oui, Centre-Ouest Goudronnage. Oui. Bonjour monsieur, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Monsieur Rago, je vous appelle car je suis avec Monique Dutèche qui va vous dire bonjour. Monique. Oui, bonjour. Alors, expliquez à ce monsieur, mais vraiment en 2 mots, pourquoi vous êtes sur l'antenne d'RTL avec nous. Bah, suite à une tirage résinée qui a été mal faite, je vous ai demandé à plusieurs reprises de revenir sur les travaux, vous étiez engagé à le faire. Vous avez été jugé par la juridiction de proximité à nous verser la somme de 3 982 €. On a fait appel à un huissier. Il a fait une saisie de 712,48 € et maintenant on attend toujours la suite. D'accord, Monique. Donc voilà, monsieur. Voilà. Donc il y a une condamnation, ça vous le savez. Nous, on n'est pas là pour vous embêter, mais Monique, elle a besoin maintenant de cet argent pour pouvoir continuer les travaux. Et apparemment, il n'y a plus de contact entre vous. Si vous avez des difficultés, peut-être pouvez-vous dialoguer avec elle pour essayer de trouver un arrangement. Vous savez, Monique. Oui, mais vous pouvez me la passer. Ah, vous voulez que je vous la passe? Ben, elle vous entend. Oui, attendez. Vous... J'ai pas bien compris son nom. C'est même. C'est ça ? C'est madame Monique Dutex, vous êtes intervenue chez elle à Saint-Cyr-sur-Loire. C'était en 2014 et vous avez été condamnée en juillet 2017 Vous avez dû recevoir un avis d'huissier pour cette condamnation. Et d'ailleurs, un huissier est venu vous saisir. Vous le savez, ça? Non, je ne sais pas. Ah, vous ne savez même pas? J'ai eu un message de M. Dutèche sur ma boîte mail. Bon, alors, je vais vous raconter. On va vous dire en antenne. Je lui ai répondu. Oui, alors qu'est-ce que vous avez... Alors, monsieur, déjà, il faut que vous le sachiez, vous avez été condamné par la justice. Mais vous le savez, puisque vous avez été saisi par un huissier. Il y a un huissier qui vous a pris 712 euros. Qui m'a saisi une somme sur un compte bancaire, peut-être. Exactement, voilà. D'accord, voilà. Oui, donc, vous avez été... C'est autre chose, prendre des choses. Voilà. Voilà. Ok, d'accord, oui. Non, il est venu, vous a pris des sous. Bon, c'est pour cette affaire-là, parce que vous n'avez pas fini les travaux. Donc aujourd'hui, il y a une somme qui est due, et cette dame voudrait qu'il y ait un accord entre vous pour la payer, parce que l'huissier ne va pas revenir tous les 4 matins. Ah non, monsieur, je suis entièrement d'accord avec vous. Oui, mais ça peut être... Là, je suis en train de conduire, je suis pas... Je vais m'arrêter. Exactement, c'est super sympa. Merci, monsieur Rago. Vous récupérez le Bernard. Je récupère Julien. Voilà, merci à vous, monsieur. On est là pour trouver un accord. Tout va bien et on va demander aussi à Monique de faire en sorte que ça se passe bien. Le but du jeu n'est pas de mettre le couteau sous la gorge, c'est de trouver gentiment, en discutant, la meilleure solution. Bon, mais bravo. Tant mieux quand ça se passe comme ça. On est ravis. Alors, la cause animale. Je marque une petite pause et cette fois-ci, vous ne serez pas interrompu parce que c'est trop important. Une bonne et une mauvaise nouvelle avec Blanche Grandvillet. Cette semaine, c'est la semaine où on donne. On donnera aussi des nouvelles de Napo, notre chien qui va devenir chien d'aveugle grâce à vous, grâce à ce que vous avez donné. Et l'apprentissage continue, on vous donne des nouvelles au fur et à mesure. Vive les chiens, on les aime! C'est bientôt Noël! Dépêchez-vous de trouver le cadeau idéal! Avec Groupon, vivez les fêtes en économisant sur une foule de bons plans, d'expériences et de cadeaux à offrir à vos proches. Téléchargez l'appli gratuite Groupon dès maintenant pour découvrir nos offres beauté, bien-être, restaurant, loisirs et sorties. Offrez des expériences près de chez vous et donnez du sens à l'esprit de Noël. Avec Groupon, c'est cadeau. Vite, téléchargez l'appli gratuite et économisez. Il y a toujours une bonne occasion pour commander Flunchstraeter. Vous venez d'avoir votre premier bébé, ou c'est la première neige de l'année, Flunchstraeter. Quand c'est la fête chez la voisine, ou la flemme de faire la cuisine, Flunchstraeter. Votre fils a eu la moyenne en maths, Flunchstraeter. Et pour les fêtes sans mettre la main à la pâte, Flunchstraeter. Toutes les occasions sont bonnes pour commander votre repas de fête en quelques clics sur flunch-traiteur.fr. Jusqu'au 12 décembre, tentez de gagner votre repas de fête. Voir conditions et règlements sur flunch-traiteur.fr. Avec les services Orange, retrouvez ce que Noël a de plus merveilleux. Moi, j'ai changé de mobile avec Orange. Et avec l'appli Transfert des données, j'ai récupéré toutes mes données. Oui, mais moi, j'ai changé de mobile avec un expert Orange en boutique. Et il m'a transféré tous mes contacts. Oui, bah moi, l'expert Orange, il m'a aussi transféré mes photos, mes vidéos et même mes SMS. Et l'expert Orange, il ouvre les huîtres aussi ? Changer de mobile, c'est facile avec Orange. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Prestations valables pour un seul équipement pour clients Orange. Tarifs et conditions en boutique et sur orange.fr. Et si on parlait Renault Occasion ? Chérie, montre à Martin nos photos de vacances. Alors ça, c'est notre Clio d'occasion, devant la plage de Biarritz. Et là, notre Clio d'occasion dans un village typique plus au sud. Ça a l'air beau, ce village. Enfin, derrière votre Clio. Et là, c'était la soirée tapas derrière notre Clio d'occasion. Ah oui, on peut pas la rater, là. Vous allez être fiers de votre occasion. Avec Renault Occasion, bénéficiez de 3 ans d'entretien et de garantie pour 1 euro. Depuis le 1er janvier 2018, bénéficiez aussi de la prime à la conversion gouvernementale chez Renault Occasion. Conditions sur Renault.fr. Cultura. Qui c'est qui a pas encore écrit sa lettre au Père Noël ? Qui c'est ? C'est toi. Et le pauvre Père Noël, comment il va faire pour t'apporter des jolis cadeaux ? Si vos proches ne savent plus quoi inventer pour vous soutirer des idées de cadeaux, ne dites pas. Bah, il a qu'à demander des idées au lapin de Pâques, le Père Noël. Mais dites plutôt. Il ferait bien d'aller faire un tour chez Cultura, le Père Noël. Pas de panique pour vos achats de Noël. À partir du 14 novembre, toutes les meilleures idées cadeaux sont dans les magasins Cultura et sur cultura.com. De quoi passer un joyeux Noël. Cultura, l'esprit jubile. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Allez, retour donc sur le cas où nous étions avec cet artisan. Cet artisan doit 3982 euros à Monique depuis 2 ans. Alors Bernard, vous avez continué à discuter avec ce monsieur. Oui, Richard Rago est tout à fait conscient de la situation. Il avait fait confiance à un de ses employés qui avait évidemment facturé que 20 mètres carrés sur 40 mètres carrés. Il n'a pas été justement se présenter auprès du juge. Il a fait une bêtise, il le reconnaît humblement. Et là aujourd'hui, il souhaite vous parler, Julien, et vous donner une solution éventuelle. Alors allez-y monsieur, on vous écoute. Mais si vous voulez, ce qui est idiot, c'est de ne pas donner de nouvelles à votre cliente parce qu'elle a l'impression du coup que c'est une sorte de dédain alors que ce n'était pas du tout le cas. Je sais que vous avez peut-être des difficultés, mais il faut maintenir le dialogue. Qu'est-ce que vous avez à lui dire, monsieur ? Oui, Monsieur Courbet, ben on peut mettre. Bon, évidemment, je reconnais, j'étais un peu laxiste, etc. Voilà, parce que moi, j'ai fait confiance à un commercial. Il n'y a pas de souci, monsieur. Mais monsieur, on n'est vraiment pas là pour vous juger. Alors qu'il y en avait 40. Donc là, aujourd'hui, je pensais pas que ça allait prendre des proportions comme ça. Ben, si vous voulez, monsieur, permettez-moi, monsieur. Non, mais laissez-moi vous expliquer parce que c'est important que je vous l'explique parce que c'est ça le but de l'émission. Ça prend des proportions comme ça, monsieur, parce que si elle ne nous appelle pas, il ne se passe rien, monsieur. Vous ne lui donnez pas de nouvelles. À un moment donné, il faut bien qu'elle trouve quelque chose qui prenne des proportions. Si vous l'aviez appelée en lui disant « Voilà, j'ai des difficultés, est-ce que je peux vous donner 100 euros ?» Il n'y aurait pas de souci, elle ne nous aurait jamais appelé. Mais si vous dites « Mais tant pis, maintenant je laisse tomber », à un moment donné, effectivement, c'est, dans tous les cas de figure de la vie, ça prend des proportions. Trouvons une solution, revenons pas sur le passé, je vous écoute. Donc moi, ce que je propose, c'est de mettre en place une échéancier. À partir du mois de janvier, hein, parce que là c'est d'accord, ok, voilà, et sur un paiement en 5 fois, parfait. Possible. Mais enfin moi je dis parfait, c'est Monique qui va décider, mais Monique, je ne peux que lui conseiller d'accepter. Monique, vous entendez? Alors oui, je l'entends. Ce qui me pose problème, c'est qu'il m'a fait tellement de promesses. Ah oui, mais là, Monique, si vous m'appelez, c'est que vous espérez qu'il y a un résultat. Mais si vous m'appelez en me disant, vous obtenez un résultat, mais je n'y crois pas, permettez-moi de vous dire, Monique, ne m'appelez pas. Ce monsieur, je le dérange. Il me dit, je vais faire l'effort de faire un échéancier en 5 fois. Laissons-le faire. Si l'échéancier n'arrive pas, eh bien, nous le rappellerons, lui disant, monsieur, vous nous avez menti. Donc, 5 fois, donc ça veut dire quoi? 5 fois, 5 mois? Oui, voilà, c'est ça. Parfait. Je peux donner 5 chèques, voilà quoi. Je peux lui envoyer. D'accord, c'est parfait. Est-ce que je passe par l'huissier ou par elle directement? J'ai peur que, du coup, là, ça, il faut que je réfléchisse. C'est l'huissier. Mais non, mais c'est plutôt l'huissier. Parce que je suis désolée, monsieur, mais ça a engendré plus de 1000 euros de frais d'huissier, cette histoire. Et ça, elle les a payés. Alors, effectivement, malheureusement, ça va augmenter votre. Est-ce qu'on peut à un moment donné dire à un huissier, Blanche Grandvilliers, voilà, arrêtez. Maintenant, je m'arrange avec lui pour ne pas qu'il ait plus à payer parce qu'il ne pourra pas les payer. Non, l'huissier, à partir du moment où il a commencé l'exécution, Julien, c'est lui qui doit récupérer l'argent. Non, c'est lui. Et il a d'ailleurs un petit pourcentage sur les sommes récupérées. Bon. C'est son travail. Mais en revanche, l'huissier, on peut tout à fait, et c'est dommage qu'il n'ait pas lui, fait, trouver avec lui un accord. Alors, ils sont tout à fait arrangeants. Nous allons donc inviter Monique à appeler son huissier en lui disant, on a eu ce monsieur, il est d'accord pour payer. Essayons de trouver un accord pour qu'il ne soit pas assommé, parce que ça ne sert à rien de tout exiger s'il ne les donnera pas, et puis vous ne serez pas plus avancé. Donc, essayons de trouver quelque chose de raisonnable, chacun met de l'eau dans son vin, mais que la moralité de cette histoire, quand on fait la politique de l'autruche, on se retrouve à payer, au lieu d'avoir 2000, 3500, puis 4000, puis 6000. Donc, on va trouver un accord. Monique, vous appelez votre huissier, il prend contact avec ce monsieur et vous me dites comment ça a avancé régulièrement. Oui, ce qui est important, c'est que Richard souhaite verser donc 800 euros sur 5 mensualités, ce qui fera donc 4000 euros. Et il va voir ça donc avec l'huissier et donc voilà, Monique. L'huissier peut dire, bon, bah, écoutez, si ça se passe bien, je minore, puisqu'il le fait, mais on va voir. On ne sait jamais, c'est Noël, on peut y croire. On fait ça, Monique ? Oui, tout à fait, d'accord. Allez, je compte sur vous, monsieur, pour répondre quand Monique va vous appeler. C'est très gentil à vous de vous et très courageux d'accord. d'avoir parlé, monsieur. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Merci. Au revoir, merci bonne vous. Journée, monsieur. Ouais. Alors, merci. Nous allons donc, si vous le voulez bien, maintenant faire la cause animale, c'est très important. On y va, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. On a dit qu'on commençait par la mauvaise. Oui, eh bien l'Assemblée nationale, Julien, a rejeté le stage de sensibilisation au respect de l'animal. On avait eu comme idée, certaines personnes ont eu comme idée, un amendement avait été déposé. Lorsqu'il y a des maltraitances sur les animaux, eh bien on propose à ces gens, plutôt qu'une peine de prison ou une amende... Qui ne sert à rien, on est d'accord, de faire un stage. Et ça avait deux intérêts, Julien. D'abord, de les sensibiliser, évidemment, à l'animal. Mais surtout, ce sont souvent des gens qui sont en perte de lien social, qui sont en rupture totale avec la société. Or, l'animal, et ça s'appelle la médiation animale, l'animal, justement, permet de retrouver confiance en soi, parce que l'animal procure du bonheur, procure du bien-être, et ça aurait aussi... Et j'ai lu des exemples où de gens qui étaient violents avec des animaux et à qui on a appris à aimer les animaux deviennent des protecteurs des animaux. Exactement. Parce qu'ils s'aperçoivent à quel point l'animal est sympa et ils étaient passés à côté. Tout à fait. Donc, avec ce stage, on avait un double impact. Un, les sensibiliser les sensibiliser et de les réinsérer dans la société. Et donc, société. Ça a été refusé ? Malheureusement, ça a été refusé. C'est-à-dire, les députés n'ont pas voté ? Non, les députés n'ont pas voté. Ils ont dit que ce n'était pas forcément une bonne idée. Et nous réfléchissons à faire un code autonome des droits de l'animal avec des mesures cohérentes. Mais je vous le dis franchement, à un moment donné, c'est votre vote qui détermine si votre député restera député. Donc, aux prochaines élections, vérifiez bien et écrivez à votre député, envoyez-lui un mail. Qu'est-ce que vous avez prévu pour la défense animale et qu'est-ce que vous allez voter ? Sinon, si vous avez envie d'aider les animaux, hein, c'est pas une obligation, je vous dis juste une indication. Mais si vous lui dites « je ne voterai que pour celui qui défend les animaux », je peux vous dire qu'il va se passer des choses. Mais comme, si vous voulez, entre le moment où le député fait son discours et le moment où il est à l'Assemblée, on ne contrôle plus rien, c'est ça le problème. C'est qu'un député peut nous raconter ce qu'il veut lors de sa campagne. « Je voterai pour ci, ça et ça ». Après, une fois qu'il est là-bas, on ne contrôle plus rien, il fait ce qu'il veut. Donc il faut mettre la pression là-dessus. Bonne nouvelle malgré tout. Oui, et juste pour terminer, Julien, c'est d'autant plus important qu'il y a ce qu'on appelle la théorie du lien. C'est-à-dire ceux qui font des maltraitances sur les animaux sont aussi souvent ceux qui commettent des violences bien sur sûr. Les personnes. Bon, en tout cas, nous, quant aux prochaines élections, on détaillera les programmes des différentes personnalités en fonction des animaux, enfin de ce qu'ils veulent faire pour les animaux. La bonne nouvelle, rapidement. Oui, d'autant, Julien, que 80% des Français se disent préoccupés par le bien-être animal. Et c'est pour ça que, eh bien, il y a une grande enseigne, Casino, qui a lancé un label bien-être animal avec l'aide de 3 ONG et ça permet d'indiquer avec un tampon sur certains produits, pour l'instant c'est seulement la viande qu'elles ont été élevées dans le respect du bien-être animal. Charlotte ou Céline, est-ce que demain on pourrait avoir quelqu'un de cette enseigne qui nous explique en quoi ça consiste ce bien-être animal dans les produits, ça serait intéressant. Merci Blanche Grandvilliers. Une alerte Bernard Sabat. Toujours sur le cas de Monique avec le monsieur Richard Rago qu'on a eu du centre-ouest Goudronnage, il a demandé que Monique raccroche Julien, il va l'appeler, il va prendre le numéro de l'huissier et il va mettre cette échéance en place. Il vous remercie de lui avoir parlé aussi calmement et posément. Mais ça l'a rassuré. Mais non, je vous le dis parce que c'est important. Parfois, vous faites peur. Et là, mais ça va pas quoi de dire ça. Oui, vous faites peur certaines fois. Mais franchement, je fais pas peur. Je me tue. Je me tue. Alors peut-être que les gens se disent oh là là, on se tue à dire attendez, on est là pour que ça se passe calmement, dans le sourire, mais que chacun reconnaisse. Et on dit même aux auditeurs à qui je dis n'importe quoi, on doit, admettons, 5 000, accepter 4 000 pour arranger les choses pour que ça aille plus vite. Et c'est comme ça, voilà, on a envie que ça se passe comme ça. Il a envie de continuer à travailler. Elle a appelé avec sa petite voix un jour, elle lui avait dit « Allô Richard Rago, je crois que tu as fait le trottoir un peu haut. » Et donc maintenant, il va le rectifier. Et puis c'est tout. Vous voyez que les choses vont bien se passer. Dans une seconde sur l'antenne d'RTL. On va faire l'enquête de Charlotte. Elle a fait une enquête sur les achats de Noël sur Internet. Génial. J'avais envie d'aller aux toilettes. Nous allons... Non, Charlotte, c'est très important. Je plaisante. Je m'en fiche. On peut plus faire une blague avec le personnel, où va-t-on ? À tout de suite. RTL. La curiosité est un vilain défaut, avec Anaïs Bouton et Thomas Hugues. Comment est construit un journal ? Qui décide des sujets ? Et comment les infos sont-elles vérifiées ? On vous emmène dans les coulisses de la rédaction tout à l'heure, à 14h, sur RTL. L'imprime de Noël chez Opel, je croyais que c'était une légende. Une reprise de 4 000 € minimum pour l'achat d'une Opel. Un conte de Noël, quoi. Et puis en fait, c'était vrai. Et j'ai raté l'offre. Bon, depuis je crois à tout, le Père Noël, les lutins, les rennes qui volent, tout le bazar. Même la petite souris, j'y crois dans le doute. Mais répétez-le pas, Le Père Noël existe bien. Jusqu'au 31 décembre, bénéficiez d'une prime de Noël Opel de 4 000 € pour la reprise de votre véhicule et l'achat d'une Opel neuve en stock identifié. Offre non cumulable réservée aux particuliers, conditions sur opel.fr. Demain à 20h50, la chaîne Teva fait sa crise de rire. Découvrez le Teva Comedy Show avec les meilleurs stand-uppers du moment dans un spectacle délirant. 6 humoristes à forte personnalité pulvérisent les clichés et nous font pleurer de rire avec la complicité d'Arnaud de sa mère. Le Teva Comedy Show, un divertissement 100% féminin, demain à 20h50 sur Teva. Bonne journée avec RTL. Notre-Dame de Paris célèbre ses 20 ans. Ne ratez pas cet événement. 12 représentations exceptionnelles au Palais des Congrès de Paris à partir du 21 décembre. Réservez dès maintenant avec RTL. Votre Intermarché de Noël vous propose d'écouter le prix du jour. Saint-Jacques a dit, faites le kilo de coquilles à prix coûtant. Saint-Jacques a dit, courez les chercher. Dès aujourd'hui, les coquilles Saint-Jacques pêchées en Atlantique Nord-Est sont à prix coûtant. C'est ça, un prix producteur et commerçant. Et c'est seulement jusqu'à demain dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Coquille Saint-Jacques, Pecten, Maximus, pêché en Atlantique Nord-Est, dans les magasins équipés d'un rayon marée traditionnel. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Allez, comme régulièrement, des nouvelles de Napo. Napo, c'est votre chien, c'est notre chien, nous tous. C'est le chien du 9h30-11h. Labrador, formé grâce à vous, grâce à l'argent que vous nous avez gentiment donné, qui va être les yeux d'une personne non-voyante et qui est en pleine formation. Et notre ami Paul Charles, président de la Fédération française des associations de chiens guides aveugles, nous donne des nouvelles. Bonjour Paul Charles. Bonjour Julien. Alors, où en est Napo? Qu'a-t-il appris? On a plein de petites vidéos sur le Facebook, la page. Alors, ça peut vous arriver. Napo, comme vous avez pu voir sur cette vidéo, arbore aujourd'hui son harnais, futur lien de guidage avec son futur maître. Vous voyez, donc il a ce harnais, le guidon. On lui apprend maintenant à venir dans les transports en commun, de pouvoir guider correctement son futur maître. Donc Napo est en pleine séance, si vous voulez, d'expérimentation. Donc ça y est, les passages pour piétons, je crois que c'est fait. Maintenant, c'est fait, les transports, voilà, en commun. Oui. Donc aujourd'hui, il a le harnais, comme je vous le dis, et ce lien qui va le constituer avec son futur maître, qui pourra lui donner toutes les sensations et le guider. Bien sûr. Ceci est très important pour son avenir. Et alors, excusez-moi, mais ça sera ma dernière question. Une fois qu'il est complètement formé, qu'est-ce que c'est? C'est un dossier pour une personne non-voyante? Comment ça se passe? Non-voyante? Alors, bien sûr que parallèlement à la formation de Napo, nous, parmi les gens qui demandent un chien guide, nous commençons à voir de quelle manière nous allons pouvoir rapprocher la personne adéquate avec Napo, et bientôt, dès qu'il sera en situation, je veux dire, de presque guider, on le mettra en présence d'une ou deux personnes non-voyantes pour savoir avec lequel il sera le mieux associé. Bravo, Paul Charles, mes amitiés à la formatrice, et puis on se retrouve pour... Ah, mais vous l'oubliez jamais, Julien, la formatrice. Non, je suis prêt à mettre harnais, dites-lui s'il le faut. Elle est tellement belle. Celui-là, vous l'oubliez complètement. Ah non, mais non. Et merci, allez voir ces vidéos. C'est hyper touchant de voir ces vidéos de Napo qui, moi, je vous assure, ça me met la larme à l'œil à chaque fois. Il a l'air tellement gentil, ce toutou, et tellement content super, de pouvoir aider. Bien, ah, ben lui, je veux le voir. Je veux vous dire, non. Vous ne vous exonérerez pas d'une petite pas de caresse. On parlera pas de l'éducatrice aujourd'hui. Non, mais c'est le chien que je veux voir. Merci beaucoup, Paul Charles. Et puis, n'hésitez bientôt, pas. Julia. Merci encore. Vous tous, vous pouvez aider, bien sûr, la Fédération française des associations des chiens guides d'aveugles. À très bientôt. Bon Noël. Merci. Nous allons donc nous retrouver dans quelques instants. Je ne sais plus du tout de quoi nous parlerons, mais vous allez nous le dire, c'est l'enquête de Charlotte. Oui, la raison pour laquelle vous alliez aux toilettes. Eh bien, vous savez quoi? Je vais y aller pendant Georges Ezra, que nous écoutons maintenant, pour écouter votre enquête. Alors, remettez-le dès le début, parce que j'ai besoin quand même le temps d'y aller. Et à mon âge, ça se passe moins vite qu'avant. Donc allez-y. Allez, j'y vais. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We're south of the equator, navigator. Gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing along. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Georges Ezra, Shotgun sur RTL, il est 10h46. L'enquête du jour avec Charlotte. Charlotte, de quoi parlons-nous ? Vous êtes sans doute en train de faire vos cadeaux de Noël et vous allez peut-être les faire sur Internet, mais attention aux pièges en ligne. Je voulais vous alerter sur un phénomène qui se développe sur les réseaux sociaux. Des influenceurs, des youtubeurs, dans cet exemple Emma et Vlad, qui ont plusieurs millions d'abonnés, font la promotion de produits sur leur réseau, des produits chers et soi-disant soldés à des tarifs exceptionnels pour Noël. Témoignage d'Erin. Ce youtubeur a mis en story Instagram justement une offre alléchante pour des écouteurs qui semblaient être des Apple AirPods. Ils étaient à 49,99€, alors que le prix des AirPods, c'est environ 180€. Sur le site, justement, il y avait écrit AirPods, donc je pensais vraiment que c'était des vrais, quoi. Or, l'utilisation du nom AirPods qui appartient à Apple est ici frauduleuse. Ce ne sont pas de réels AirPods, mais une pâle imitation vendue pour quelques euros sur des sites chinois de commerce en ligne comme AliExpress. Vous pouvez voir la comparaison entre les deux produits sur notre page Facebook. Mais ce n'est pas tout, il y a un deuxième piège, c'est Jeanne qui nous le raconte. Le site est accessible seulement une heure et avec un stock très très très réduit. Donc du coup, moi je me suis tout de suite précipitée. Trois heures après, je demande si je peux annuler ma commande. Finalement, le lendemain matin, soit même pas 8 heures après, je vois que j'ai été débitée. Je vais voir dans les conditions de remboursement. Il n'y a pas la possibilité de rembourser les produits soldés, ni de rembourser les produits qui ont été reçus trois semaines après avoir fait commande. Rappelons pourtant que le délai de rétractation pour les achats en ligne est de 2 semaines après la réception du produit. Me permettez-vous d'ouvrir une parenthèse. Est-ce que ça marche aussi si le site est à l'étranger, cette histoire de rétractation Ah oui. Bah, à partir du moment où on vend en France, d'accord, vous ne pouvez pas, okay, concéder moins d'avantages que la loi française n'en accorde. Charlotte. Surtout que ça se veut être des sites français. J'ai pris l'exemple des AirPods, mais sachez qu'il existe le même phénomène pour des montres présentées comme de fabrication suisse et finalement made in China, ou des bijoux soi-disant en or qu'on retrouve à moins d'un euro sur des sites chinois. Le point commun de tous ces sites, pas de numéro de téléphone, pas de siège social, pas de mention légale. Denis Jacopini, qui est expert judiciaire en informatique et spécialiste de la cybercriminalité, nous explique comment on repère un site de e-commerce frauduleux. Une URL va commencer par HTTP. Alors, ça peut être HTTPS, et d'ailleurs, c'est fortement recommandé, puisque ce sera un site qui utilisera un système de communication crypté. Un site piégé, un site d'arnaque, peut se cacher aussi derrière un HTTPS. Il y a des obligations pour tous les sites de e-commerce français d'afficher des mentions légales bien, bien précises. Également, lorsque vous vous trouvez sur une page où vous pouvez acheter quelque chose, et il vous reste que quelques minutes, tous les sites internet qui utilisent comme ça l'émotion, on perd le côté rationnel de l'achat. Derrière ça peut se cacher souvent des pièges. Dernière astuce, vérifier la localisation de l'adresse IP du site. Prudence si elle est à l'étranger. Et puis surtout, excusez-moi, mais je vous le redis, si des magasins vendent quelque chose 200€, s'il y en a un qui arrive à vous le vendre 40€, c'est qu'il y a un problème, parce que sinon il va couler tous les magasins. Parce que plus personne n'ira acheter à 200€ alors que c'est à 40€. Et alors, quand c'est des marques comme Apple, alors là vous n'avez même pas à réfléchir, il n'y a aucun solde. Voilà, Apple, il y a un prix et c'est le même partout, que vous soyez à Tarbes, à Madrid, où vous voulez. Éventuellement, vous allez avoir une petite différence de 2-3€ et encore, mais ça n'existe pas. Bernard. Oui, dernier point aussi, c'est l'histoire du compteur. Il en reste 4, dépêchez-vous. Bien sûr, et ça, oui, en joue sur l'émotion. Oui, mais vous savez que ça marche aussi pour les places de spectacle. Exactement. Plus que 6 places à tel prix. Donc vous cliquez et vous revenez le lendemain, plus que 6 places ou 5 places à tel prix. Oui, c'est, l'avion, c'est pareil aussi. Bien sûr. Vous avez raison aussi. Ah, bah, sans vous, hein, on sait dans le voyage. S'il vous plaît. Allez, on se retrouve dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Il est 11h10. On relancera quelques appels, si vous le voulez bien, ceux qui ne nous ont pas répondu. Et ça va se passer dans l'esprit de Noël que vous partagez avec nous sur RTL. Bonne fête à tous. Silver bells, it's Christmas time in the city. Auchan et la vie. change. Et pendant les 125 jours Auchan, c'est le Noël d'Élise qui change. Avec 50% en cagnotte sur une sélection de jouets comme la poupée, Baby Alive est malade. 50% Élise. Alors oui, avoir un enfant en plus à la maison, c'est fatigant. Mais l'avantage avec celui-là, c'est que quand il pleure, t'enlèves juste les piles. Jusqu'au 24 décembre, vos hypermarchés Auchan et Auchan.fr proposent Baby Alive est malade à 49,90€ plus 50% en cagnotte. Et votre Noël change. Auchan. Soit 24,95€ cagnotte déduite, montant crédité sur votre compte Wahoo, conditions sur Auchan.fr. Ce soir sur Paris Première, retrouvez Yann Moix aux commandes de son émission Où tout peut arriver. Avec ses invités venus de tous bords, il débattra d'un thème d'actualité avec comme seul mot d'ordre intelligence, conviction et passion. Chez Moix, c'est ce soir à 23h10 et tous les mercredis sur Paris Première. Père Noël, je voudrais plein de chocolat pour moi, papa, maman et mamie. Oh oh, j'ai rempli ma hotte de coffrets Réhout et chocolat. Et il y en a pour tous les gourmands. Venez en magasin déguster nos chocolats de qualité. Recettes artisanales et coffrets à partir de 8,60€ seulement. Réhout et chocolat, fabricant chocolatier français. Goûtez, vous verrez. Pour votre santé, évitez de grignoter. Holiday on Ice fête ses 75 ans. Plongez dans la magie du plus grand des spectacles sur glace avec les meilleurs patineurs artistiques mondiaux. Holiday on Ice au Palais des Sports de Paris du 28 février au 5 mars 2019 et en tournée dans toute la France. Plus d'infos sur holidayonice.com. Il y a toujours une bonne occasion pour commander Flunch Traiteur. Vous venez d'avoir votre premier bébé ou c'est la première neige de l'année. Flunch Traiteur, quand c'est la fête chez la voisine ou la flemme de faire la cuisine. Flunch Traiteur, votre fils a eu la moyenne en maths. Flunch Traiteur. Et pour les fêtes sans mettre la main à la pâte, Flunch Traiteur. Toutes les occasions sont bonnes pour commander votre repas de fête en quelques clics sur flunch-traiteur.fr. Jusqu'au 12 décembre, tentez de gagner votre repas de fête. Voir conditions et règlements sur flunchtraiteur.fr. Les hits RTL avec Angèle, Jérémy Frérot, Marc Lavoine, Maroon 5, Ed Sheeran, Georges Ezra, Maître Gims et Vianney, Zazie. Les hits RTL 2018, la compile événement. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Le 9h30-11h sur RTL qui revient sur un péplum, Maître Fellono, c'est celui de Marie-Françoise. Alors en deux mots, déjà avec Céline. Un artisan lui a construit sa maison pour plus de 260 000 euros, mais les murs se fissurent. Toutes les photos sur RTL.fr. Alors on ne va pas revenir sur tout ce qui s'est passé, mais il nous fallait absolument quelque chose. Quoi, Maître Fellono? L'attestation d'assurance décennale de l'entreprise, étant donné qu'il fallait organiser une expertise contradictoire et nous n'arrivions pas à connaître même pas le nom de cette compagnie d'assurance. C'était le secret le mieux gardé de la semaine. Alors, on a appris que le service juridique du groupe Marc, qui contrôle la société Baldeschi, devait faire le point avec Marie-Françoise. Marie-Françoise, vous êtes en ligne avec nous ? Oui, bonjour Julien. Bonjour Marie-Françoise. Alors, comme on est un peu en fin d'émission, dites-nous Marie-Françoise, ce qui s'est passé hier ? Oui, donc, hier après-midi, j'ai reçu par mail l'attestation d'assurance pour la garantie décennale. Ah, super. Donc ça va vous permettre d'avancer, ils vous l'ont donné. Donc ça change quoi, Maître Fellono ? Alors ça change qu'effectivement, on peut vérifier qu'il y a bien une déclaration de sinistre et ça devrait être suivi par la convocation à une expertise qui a été annoncée par cette société, Marc. Bon, eh bien, bonne nouvelle, Marie-Françoise, on suit ça et nous allons donc voir comment les choses vont maintenant évoluer. Très rapidement, Alain Hazard. Précisément, le rendez-vous aura lieu le jeudi 10 janvier avec la présence de Sylvain Baron pour expertiser tout ça. L'expert d'RTL va venir aussi lors de cette expertise et ça, c'est super. Bonne nouvelle pour vous, Marie-Françoise. Je vous retrouve dans les jours qui viennent. Le 9h30-11h, rock'n'roll ce matin, comme le prouve ce titre de Yes. Owner of a Lonely Heart. N'hésitez pas à nous appeler au 3210. Vous avez vu, j'ai réussi à faire le numéro comme ça rapidement. C'est fabuleux. Oh,